L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut ? Par Eric Simon. Une nouvelle étude portant sur des observations de micro-lentilles gravitationnelles pour la détection d'exoplanètes situées à grande distance de leur étoile montre que ces dernières ont statistiquement une masse de l'ordre de celle de Neptune. Daisuke Suzuki de l'Université du Maryland et son équipe arrivent à la conclusion que les planètes de masse neptunienne sont 10 fois plus fréquentes que ne le sont des planètes de masse de Jupiter sur des orbites du type de celle de Jupiter. La technique des micro-lentilles gravitationnelles est très efficace pour détecter une planète éloignée de son étoile. Elle consiste à observer l'apparition d'une augmentation rapide de luminosité d'une étoile lorsque la planète et son étoile viennent à passer devant par hasard. Leur masse agit alors comme une lentille optique en défléchissant et concentrant la lumière de l'étoile d'arrière-plan. Les astrophysiciens, dans cette étude, ont déterminé le ratio de masse entre la planète et son étoile, ainsi que la distance des séparants. Et pour 40% des événements de micro-lentilles détectés, ils ont pu évaluer la masse de l'étoile indépendamment, ce qui leur fournit donc immédiatement la masse de la planète. Parmi les quelques milliers d'exoplanètes trouvées à ce jour, seules une cinquantaine l'ont été grâce à la technique de micro-lentilles gravitationnelles. Cela est dû à la rareté du phénomène d'alignement avec une étoile d'arrière-plan qui est nécessaire dans cette méthode et qui a lieu aléatoirement. Les astronomes doivent donc suivre en continu l'évolution de la luminosité de millions d'étoiles. La puissance de cette méthode, c'est qu'elle permet de détecter des planètes dont la distance à leur étoile est beaucoup plus grande qu'avec les autres techniques de mesure de vitesse radiale ou de transit. Et surtout autour d'étoiles situées 100 fois plus loin que celles scrutées avec les autres méthodes de détection. La méthode de micro-lentilles gravitationnelles peut même permettre de trouver des planètes errantes, attachées à aucune étoile. Cette méthode est donc complémentaire de celle utilisée par le fameux télescope Kepler, qui a découvert surtout des planètes proches de leur étoile. La collaboration nippo-néo-zélandaise MOA, Microlensing Observations in Astrophysics, a réussi à identifier 1474 micro-lentilles gravitationnelles entre 2007 et 2012, en ajoutant à leurs données celles du projet OGLE, Optical Gravitational Lensing Experiment. Mais toutes les micro-lentilles produites par des étoiles ne sont pas forcément accompagnées d'une micro-lentille par une planète. Ils en ont ainsi trouvé 22 seulement dans ce vaste échantillon. Les chercheurs ont alors regardé la fréquence des planètes en fonction de leur masse relative et de leur distance à leur étoile. Pour une étoile typique ayant une masse de 60% de celle du Soleil, la planète type détectée par micro-lentille fait entre 10 et 40 fois la masse de la Terre. On peut comparer ces masses à Neptune qui fait 17 masses terrestres. Il apparaît donc qu'au-delà de la limite de glace, la zone à partir de laquelle l'eau ne peut plus qu'être solide à l'époque de la formation planétaire, ce sont des planètes de la masse de Neptune qui seraient les plus probables. La limite de glace, pour notre système solaire, se situe à 2,7 unités astronomiques, c'est-à-dire au milieu de la ceinture d'astéroïdes. Suzuki et ses collègues explique dans leur étude qui est parue dans The Astrophysical Journal cette semaine que ce qu'ils trouvent n'est pas si étonnant, car c'est au-delà de la limite de glace que la formation des planètes doit être la plus efficace, car les matériaux gazeux s'y condensent en corps solides, augmentant par là même la quantité de briques disponibles pour le processus de construction planétaire. Les Américains ont bien compris quelle était la puissance de la technique des micro-lentilles gravitationnelles pour la détection des planètes. Le futur télescope de la NASA, WFIRST, Wide Field Infrared Survey Telescope, qui sera lancé vers 2025, est déjà planifié pour effectuer un grand relevé de micro-lentilles. Grâce à WFIRST, les scientifiques espèrent pouvoir ajouter plusieurs milliers de planètes au grand catalogue qui grossit chaque jour. L'article de Daisuke Suzuki et ses collaborateurs est donc paru dans The Astrophysical Journal, le volume 833, en date du 13 décembre 2016. Il a pour titre « The Exoplanet Mass Ratio Function from the MOA-2 Survey, Discovery of a Break and Likely Peak at a Neptune Mass ». Restez bien à l'écoute hein, sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des exoplanètes hein, se contemple indéfiniment. Eh oui, il y en a un nombre quasi infini. Vous retrouvez cette émission toujours sur iTunes, PodCloud, Stitcher, le blog et peut-être bien ailleurs dans les flux RSS divers et variés qui se propagent. Allez, à très bientôt, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut !